T'as reconnu le style ? Quoi de neuf à Paris ? Rien, les gens tirent pour des transacts plombs. Je vous passe le salam des Antilles, je suis sur un transat, je bronze. Bien sûr que je suis gentil, sûrement les gendarmes se trompent. Je fais que des bons titres, ça fait le tour de France comme Lance Armstrong. Quant à ce monde, j'entends partout qu'il est juste triste. Comme j'entends partout que ta meuf tourne comme la roue du juste prix. Bouge ta tête jusqu'à ce que ta nuque se brise. Ça sent l'embuscade quand tu bois du sky pendant que la lune brille. Tu fais le king pour ton clip, tu as loué le cap. Ta meuf me montre son string via la webcam. Ouais, ouais, reste calme, ou ça part en phare. Ouais, ouais, mon son tourne du nord au sud et de l'est à l'ouest. Ouais, t'es tout pourri, on va t'oublier, barre-toi. Je vais t'oublier, je fais ton salaire multiplié par 3. Continue de parler sur moi et je téléphone ta russe. Elle est en kiff devant moi, comme un gosse devant Toys R Us. Je traîne la nuit comme Bruce Wayne, j'aime les bars d'ambiance. Chicha, Paris c'est la Bruce West, en gen Tarzan, Chita. Ça sent le chita, plein nez, les flashs de Jacta, les pétasses blindées. On fait au cul les flammes de Jeanne d'Arc. Tu comptes rester en France? Tu n'as pas de chance. L'état c'est DSK, t'es juste une femme de chambre. Je veux que le Qatar me signe, je bois du champagne. Toi tu plains, tu pleures, tu manges du pain, du beurre à bois d'Arcy. Tu veux tout savoir? Nous ça va, ça vient de Paris, welcome. Le rap c'est comme Oussama, il est mort, welcome. Ils font les mecs clean qui courent pas après le cash. Mais dis-moi qui peut croire ça? Pour oublier le pire, on se bourre la gueule après le taf. Ouais, en ce moment c'est tous les soirs ça. Toujours le même style, 7-5 dans le cœur quand je m'exprime, changer. Mais dis-moi qui peut croire ça? Qu'est-ce que c'est? C'est du rap, du vrai, toujours des bêtes de rimes. La concurrence est en baisse de riche. Je mets la concurrence en stand-by. Je les fusille de coups durs, je les envoie dans des usines de couture à Shanghai. Ça sent le gaz, la tempête avant le calme. J'ai mon cash, le premier du mois, je claque tout avant le 4. On veut du neuf, pas d'occasion, on part au casse-pipe. Les cars au casse, on part au quart de tour, c'est l'apoca. Lips, faut que je m'éclipse. J'ai rencard avec du lourd, ma petite bitch avocate. Tu peux me croiser avec mes petites Air Force. Dans Paname, je vais t'en mettre plein la vue comme Peter North. Je roule en camion, citerne, Porsche. Et toi en bus, plus, j'abuse, plus. Mais je veux ta femme et le massage, plus, plus. Quand je kick, ça fait mal, au passage, petite casse-tête. Au man qui rappait avec moi sur petite cassette. Dans le 7-5, ils disent que je tue. Les flics s'apprêtent à me serrer, chérie, je te nique ce matin, je te quitte cet après-midi. Tu veux rapper comme moi, passe le fric que je t'apprenne. Ils m'ont sous-estimé sans savoir que c'est dans le mille que je t'apprête. Préviens vite de la presse, ce que j'écoute me met hors de moi. Les concurrents sont peut-être plus forts que moi dans leur vie d'après. Y a pas photo, quand je kick, ça saigne. Plus de chance d'être riche en remplissant une grille auto qu'une grille, ça sème. Peut-être que le ciel pourra t'aider, vu que tu viens de perdre. Me pose pas de questions comme Julien le père sous le père pourra. Entre jeunes, on s'entretue. Dans les boîtes, on ne rentre plus. On traîne en bande de 10, on me fait chuter comme les bandes de disques. Ils font les mecs clean qui courent pas après le cash. Mais dis-moi qui peut croire ça? Pour oublier le pire, on se bourre la gueule après le taf. Ouais, en ce moment c'est tous les soirs ça. Toujours le même style, 7-5 dans le cœur quand je m'exprime, changer. Mais dis-moi qui peut croire ça? Qu'est-ce que c'est? C'est du rap, du vrai, toujours des bêtes de rimes. La concurrence est en baisse de rythme. Ah ah ah, Loco à la prod, Dolor à la drogue, Rami à l'alcool. Dernier étage, quenelle de 150, 175 plutôt, épaulé. T'as reconnu le style? Hein? Piaque.